Nouveauté 2048, la mafia, et oh là là, je pèse trop lourd, qui me détourne, la piste roule, et je me bamboule, une bille qui fait la haule, comme Michel Young, je la boule. Tout en étant en temps, je débarque avec mon petit raccord-porteur, j'ai la peur, l'effet papillon, amené à telle une matrice, comparaison de prix par l'arnaque, petit point par petit point, je mange des points, pour se remettre bien. Opération telle, en programmation, sous 50 0 à 1. Côté première nécessité à construire, j'affirme. Toujours plus haut, tel est zéro. Tant plus fort que AMD, cause pour cause, je corps transistor. La Russie a mis là-haut et là officialisé Néo. Leur pack de hackers frotte qui s'épique. Accord et accord, je décore. Multicore, j'ai eu 3 cœurs chez le bistrot. Assesseur fou qui monte et descend, n'a que ça à faire. Les niveaux qui sont nés dans les ovules, c'est autogénère, aquarelle. Les données sont dans la matrice des sèches. Pour avoir des codes de jus sur montre laser. Hacker du haut numéro Quinto, Fafa en cul. Tom gère le parquet, format des nouveaux déglaces. Ses richesses sont nos richesses. A eux sa team j'ajoute. Je montre et je démontre que cette opportunité atomique a dû d'avoir avec soi des professionnalistes. Que je consonne son et que je décroche pour une dernière fois encore. Magie comme David et mon cousin pas loin. Chico perfide qui n'a jamais coupé le film. Code à code gamer aligne dans la matrice. Les réseaux sont en sanction. Nouvelle quête, j'enquête. Pour tomber un but du Stade de France, seul asset sonore avec tickets sont les briquets. Je me téléporte où je me souhaite, ici et présent, on se télépathie en marche. Je nage toujours où j'ai bien. La tour Eiffel a disparu pour laisser place à un bouddhique. Voici le bidding des diplômes des IRC mondiales sur Linux 13. Deux versions, deux ingrédients, la profiterie c'est la particulière. Dernière nouvelle, le goûter là, je fais dans le multi-universal des salles. Je passe le salam assassin sur le grain de raisin. Bonne cuvée goûtée, les quatre cuvées réglées sur mesure. Le réel est bien, on fonctionne, nous avons construit une armée de Noé pour stocker tout notre patrimoine dans l'espace naval. INA réagit et offre une sauvegarde planétaire grâce à leur technologie de gravure de nouveaux disques microscopiques. Hacker tout là-haut numéro Quinto Fafelculo. Tom gère le parquet format nouveau déglacé. Richesse sono, richesse à eux centimes j'ajourne. Inox est le premier mondial pour internet fabricant français. Ils ont stocké toutes nos données pour sauvader un raid 1. Internet a été revu avec OneMore, nouveauté au lit de gauche à droite. Et on veut petit jeu de vieux. Journal, nouvelle, nouvelle avec tablette. Figaro et Midi qui a réussi à faire le diplôme BTS en tant que développeur, je mûris. Le site Popcorn entretient en VDP des informations ponctuelles. Les nanas ont leur site elsa.fernet. Ou or ils parlent à elles qui sont belles. Au moins charmant la petite histoire. Illimitées sont les ressources du 7-10 en 2048. On est mage dorénavant après la télépathie, le virtuel. Un level supérieur nous a été offert. Je résume pour les fusées, pour le décollage. Je te mets un collage. L'étoile noire de notre système 10 résonne sur ondes des phases, celle des phases. La bouffe a été hors de prix. Qui peut donner à manger à un animal de compagnie? Je prends sur moi et partage la vie sans prix, je me sacrifie. Nouveauté, nouveau prix sur la cartographie pour devenir une race de Terminator. Les billes brillent dans l'univers cosmopolite, se font et se refont. Elles se renvoient là-bas, le petit jeu de ping-pong pour faire et défaire des affaires de jeu. Elles sont dessus et dedans, au-dessus de branches, différentes situations vont avec la Master Ball. Hacker tout là-haut, numéro Quinto Fafanculo. Tom gère le parc informatique, nouveauté glacée. Richesse sonore, richesse à 1 centime, j'ajourne.